Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, un braquage dont la résonance médiatique a surpris les braqueurs eux-mêmes, celui de l'américaine Kim Kardashian. Cette femme, c'est la reine d'Instagram, le roi des réseaux sociaux. La reine du réseau roi, donc, mais aussi une star de la télé-réalité, une femme d'affaires à la tête d'une fortune de plus de 350 millions de dollars. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Kim Kardashian est à Paris pour la Fashion Week quand elle se fait braquer, ligoter et voler près de 10 millions d'euros de bijoux par des truands parigots à un poil pieniclé. Un braquage à la saveur d'antan, façon tonton braqueur, propulsé dans le monde 2.0 des Instagirls. Quand le paname croustillant de Michel Audiard croise l'air des écrans de smartphone, retour sur un casse improbable qui dit la disparition d'une époque et l'avènement d'une autre. Nos invités aujourd'hui, Julien Dumont et Grégory Mardon, co-auteurs et dessinateurs de la BD intitulée Les bijoux de la Kardashian, publiée chez Glénat cette année. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Here we are in Los Angeles, midweek, your Wednesday, and a happy Wednesday weather-wise for us. We're going to enjoy temperatures topping out in the upper 70s, a little bit of sunshine mixing in here. Kim Kardashian, 39 ans, 140 millions d'abonnés sur Instagram, 10 ans de télé-réalité, 4 enfants au nom improbable et un mari milliardaire, le rappeur et producteur Kanye West, voilà un CV en forme de success story bling-bling tel que l'Amérique les permet, un parcours qui débute évidemment à Los Angeles, la ville des anges. Deuxième fille de l'avocat d'origine arménienne Robert Kardashian et de Kris Jenner, qui deviendra sa manager, Kim Kardashian grandit dans les quartiers huppés de LA. Amie de l'héritière et icône jet set Paris Hilton, Kim joue les faire-valoir dans son émission de télé-réalité The Simple Life. Alors, quand la chaîne Entertainment Television propose à la famille Kardashian sa propre émission, Kim est aux anges. Elle va pouvoir sortir de l'ombre, c'est son objectif ultime, elle vit pour ça. Get Spectrum Internet. Mobile with Aaron. Where's Kim? Kim is always late. Oh, get out of our way. Stop. Jealous. No. Stop. Enough. À partir de 2007, le dimanche, à 22h30, l'Amérique regarde désormais Keeping Up with the Kardashians, en français l'incroyable famille Kardashian. La fratrie, recomposée de Kim, sa mère, son beau-père, ses sœurs et demi-sœurs, y affiche son quotidien californien, moyennant des dizaines de millions de dollars. Emplettes, business, bébés, disputes et frasques en tout genre, les saisons s'enchaînent, année après année, et Kim Kardashian devient petit à petit la star de l'émission. Mais la célébrité sur petit écran, décrochée sans talent artistique particulier, ni autre but que de se montrer, ne lui suffit pas. Seule ou avec ses sœurs, elle lance successivement des boutiques, des parfums, s'essaye à la musique, au cinéma, et surtout, elle vend ce qu'elle possède de plus cher, son image, dans des publicités pour des régimes, des salades ou des baskets. Et dans ces conditions, c'est l'émergence des réseaux sociaux qui va accélérer la cadence et changer sa vie. En 2012, Kim Kardashian publie son premier post Instagram, une photo d'elle, un selfie évidemment. Pas besoin d'une prouesse sportive, littéraire et encore moins intellectuelle, non. Juste une photo, une attitude. Et c'est le début d'un règne et d'une stratégie marketing payante, dont le mariage avec Kanye West à 32 millions d'albums vendus et la tonitruante incarnation. Une cérémonie en Italie, après un brunch dans un château de la région parisienne et une visite privée de Versailles offerte aux invités, parole de fan. Aujourd'hui, on est parti à Crépière au château de Valentino où le couple Kim Kardashian et Kanye West étaient invités et on voulait un peu les rencontrer. Savoir si c'était possible, mais bon, on a vu que des voitures. Moi, je veux juste voir comment elle est habillée, en fait. C'est juste ça que j'admire chez elle. Moi, ouais, je veux un selfie, moi. 28 septembre 2016. 2 ans après son mariage, Kim Kardashian revient à Paris pour assister à la Fashion Week. Un événement majeur pour l'industrie de la mode, auquel l'américaine, égérie de plusieurs maisons de couture, se doit d'assister. Avec sa mère, sa sœur, Courtney, son assistante, sa styliste et son garde du corps, Pascal Duvier, elle dort à l'hôtel de Portales, un hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris, qui abrite le nœud adresse, une résidence de luxe à 15 000 euros la nuit. À peine arrivée, Kim Kardashian publie un post sur Instagram pour prévenir ses followers au cas où ils auraient raté cet événement si précieux pour l'humanité. New York City, Paris, indique la légende sous le selfie. Et ça fait 1 500 000 likes. Invisible de l'extérieur, le nœud adresse est un établissement connu pour sa discrétion, justement. Ce qui n'empêche pas les paparazzi et les fans d'y avoir élu domicile. De toute façon, la discrétion, ce n'est pas la marque de fabrique de Kim Kardashian. Le soir, la vedette se rend dans un restaurant de la rue Montaigne, accompagnée de sa cour et vêtue d'une audacieuse robe noire, tout en transparence. Dans le chaos, Vitaly Seliuk, un ancien journaliste de la télé ukrainienne connu comme l'agresseur des stars, s'approche d'elle. Mikhaïl Madar, le chauffeur de Kim Kardashian à Paris, se souvient. Il arrive derrière le paparazzi et il lui saute dessus en l'attrapant par les jambes. Je crois qu'il l'effleure. L'effleure, c'est. C'est vrai qu'à ce moment-là, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ça a été hyper rapide. Hello. Pascal Duvier, le garde du corps de Kim Kardashian, plaque l'homme au sol tandis que la star poursuit sa route comme si de rien n'était. Sur les réseaux, aucun commentaire de sa part, mais une nouvelle publication, une photo de son col en résille et de sa poitrine. C'est la 4e et dernière publication de ce premier jour de la Fashion Week, pour un total de 5,5 millions de likes en 24 heures. Si Kim Kardashian ne dit rien de cette agression, c'est parce que son compte Instagram ne montre que le rêve éveillé. Déplacement de produits à 250 000 euros la publication, et des selfies dénudés se mêlent sans distinction aux photos de ses enfants, car... Comme beaucoup d'utilisateurs sur les réseaux, Kim Kardashian ne fait aucune différence entre vie publique et vie privée. Elle va bientôt s'en mordre les doigts. Le lendemain, après avoir affolé les magazines People avec une nouvelle tenue, Kim Kardashian se rend avec son mari en visite express de 24 heures dans l'atelier d'un grand couturier. Là, entre deux essayages, elle publie une nouvelle photo d'elle-même sur Instagram. Elle y arbore plusieurs bijoux, dont une énorme bague en diamant, 18 carats, 4 millions de dollars, objet déjà bien connu de ses fans. Pensez donc, c'est sa bague de fiançailles. Un bijou très tape à l'œil et l'un de ses derniers posts de Kim Kardashian avant longtemps. Le 2 octobre 2016, 5e jour de Fashion Week, fatiguée du raout mondain, la star rentre à l'hôtel de Portales alors que sa sœur et son assistante se rendent en discothèque accompagnées de Pascal, le garde du corps de Kim. Elle reste donc au nœud adresse, seule avec sa styliste qui dort à l'étage inférieur de ce duplex de 115 mètres carrés. Il est environ 1h du matin, la nuit est loin d'être terminée. Riche et célèbre, Kim Kardashian est désormais la victime du plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans. La star de la télé-réalité américaine a été braquée la nuit dernière dans cet immeuble du 8e arrondissement de Paris. Une résidence hôtelière de luxe où elle a ses habitudes. Il est 2h30 du matin quand 5 hommes armés et équipés de faux blousons de policiers s'introduisent chez elle après avoir neutralisé le gardien. L'effet. 5 hommes, effectivement. Le visage masqué frappe à la porte de la réception d'une autre adresse. Le réceptionniste ouvre, sans se méfier de ceux qu'il prend pour des policiers, comme l'indique leur brassard. Immédiatement, l'un des braqueurs le menace de son arme et lui demande où se trouve la femme du rappeur. Sous la contrainte, l'employé de l'hôtel conduit deux des cinq visiteurs jusqu'à l'appartement de Kim Kardashian, tandis que les trois autres font le guet dans le hall de l'hôtel. La star est alors sur le point de se coucher, mais elle veut d'abord aller se démaquiller. Elle raconte. J'étais en train de somnoler quand j'ai entendu du bruit. J'ai cru que c'était toi et Stéphanie qui rentriez, bourrés. J'ai appelé. Hello. Et personne ne m'a répondu. J'ai commencé à stresser, à me demander ce qui se passait. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai vu deux hommes habillés en policier avec un troisième. J'ai attrapé mon téléphone. Je ne savais pas comment faire pour appeler les secours à l'étranger. Alors j'ai appelé Pascal. Un des hommes a pris mon téléphone, m'a poussé sur le lit. Et là, je me suis dit que c'était la fin. Kim Kardashian, qui pense d'abord à des terroristes, est évidemment paniquée. Elle ne parle pas français et les braqueurs ne comprennent pas l'anglais. You, ok, tente-t-il de la rassurer, sans succès, avant de crier « Ring, ring ». Les deux hommes trouvent finalement ce qu'ils sont venus chercher, la bague en diamant, celle que Kim Kardashian porte sur la photo postée trois jours avant sur Instagram, mais aussi un coffret à bijoux, du liquide et des montres de luxe. Menotté, le réceptionniste de l'hôtel, qui lui parle anglais, tente de calmer la cliente. Mais la vedette est en larmes, persuadée qu'elle va mourir, là, dans sa chambre d'hôtel, et qui sait, ultime outrage, sans une seule photo de la scène à poster sur les réseaux sociaux. J'ai soudain cette idée, partir par les escaliers. Mais soit ils vont me tirer dans le dos, soit l'ascenseur ne va pas s'ouvrir à temps, soit les escaliers seront fermés. Je suis fou. Il n'y a aucune issue. L'un d'eux m'a bâillonné avec du scotch pour que je ne crie plus. Puis il m'a attrapé les jambes. J'étais en peignoir et je n'avais rien en dessous. Il m'a poussé sur le lit, face à lui, et je me suis dit, ok, c'est le moment où il me viole. Je me suis préparée mentalement, mais il ne l'a pas fait. Il me braquait avec son arme, et j'ai su que c'était le moment où il me tirait dans la tête. Non, les braqueurs ne lui tirent pas dans la tête. Mais l'un d'entre eux la porte jusqu'à la salle de bain où il la laisse sur le carrelage. À l'étage d'en dessous, la styliste de Kim Kardashian, réveillée par le bruit, donne l'alerte par texto à Pascal, le garde du corps de la star. Mais les deux braqueurs en ont fini. Ils rejoignent alors leur complice en bas de l'immeuble. Trois d'entre eux s'en vont à vélo, les deux autres à pied. Il est 3h08. Le braquage a duré une trentaine de minutes. Dans les sacs des malfaiteurs, près de 10 millions d'euros de bijoux, dont le diamant à 4 millions, des colliers, des bracelets en or, des montres de luxe, de l'argent liquide et le smartphone de Kim Kardashian. Quelques instants plus tard, la police arrive, escortée par les paparazzi qui ont suivi Kourtney Kardashian quand elle a quitté la discothèque pour rejoindre sa sœur. Kim témoigne rapidement auprès de la brigade de répression du banditisme avant de prendre un jet privé pour rentrer aux États-Unis, pressée de retrouver son mari et ses enfants. Son arrivée à New York, près de 10-4-4 et 20 gardes du corps l'escortent, largement autant que pour un chef d'État. La star ne s'arrête pas devant les photographes, ni ne salue les fans qui l'attendent sur place. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sous les flashs des appareils photo, elle marche vite, tête baissée, comme un animal traqué. Overnight, a pretty scary situation for reality star Kim Kardashian West. French police say she was robbed at gunpoint in her Paris hotel room. TV star Kim Kardashian se gunpoint par karoron rupay ki jewelry loot li gayi. Kim Kardashian, quien fue asaltada por cinco hombres armados en París. La star americana Kim Kardashian è tornata a casa insieme al marito, il rapper Kanye West, dopo essere stata vittima di una brutale rapina a Parigi. Au lendemain du braquage, devant l'hôtel de Portales, dans le 8e arrondissement de Paris, des médias du monde entier, au-delà de la presse people, s'emparent de ce que certains appellent déjà le casse du siècle. Du siècle, peut-être pas, mais c'est le plus gros vol chez un particulier depuis 20 ans en France. Et sur les bancs de la Fashion Week, un murmure s'élève, mi-inquiet, mi-excité. Dans le milieu du luxe, un tel braquage fait office de détonation et rappelle à chacun sa vulnérabilité. Journalistes, couturiers, stars en tout genre et fans de Kim Kardashian, tous ont leur mot à dire. Un tel apporte son soutien à la vedette et aux États-Unis, les larmes aux yeux. Un tel tweet avec malice sa fierté d'être parisien. D'autres encore s'interrogent, et si c'était un coup monté? Dans son show télévisé, la présentatrice américaine Wendy Williams ose poser la question. Alors, la nouvelle du jour, c'est Kim Kardashian qui s'est fait braquer. On ne va pas parler de Bill et Hillary Clinton. Hein. Non, ça n'est pas ça notre gros titre. Non, pas aujourd'hui, pas ici. L'événement aujourd'hui, c'est Kim K qui a été braquée, ligotée et bâillonnée dans sa salle de bain à Paris. J'espère qu'elle n'a pas inventé cette histoire juste pour l'effet dramatique. Mais... vous les connaissez, hein, dans cette famille, ils sont un petit peu inhumains. Donc, on a le droit de ne pas croire tout ce qu'on entend, mais quand même, c'est très très dérangeant. Hein. Les braqueurs ont volé pour 10 millions de dollars de bijoux. Et aussi, deux de ses téléphones. Bon, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans qu'on n'a pas déjà vu. Si cette présentatrice américaine, et elle n'est pas la seule, suggère que le braquage est un coup de pub, c'est parce que la vie tout entière de Kim Kardashian et de sa famille semble effectivement scénarisée. Non seulement Kim est l'une des figures de la télé-réalité dédiée aux Kardashians depuis 2007, mais la stratégie de la femme d'affaires repose sur les réseaux sociaux où elle dévoile chaque jour un peu de sa vie privée. Et pour l'assister dans la mise en scène de ce drôle de show numérique et quotidien, Kim Kardashian est accompagnée de son manager, sa propre mère. En 2007, Kris Jenner n'avait pas hésité à négocier les droits d'une sextape, film pornographique amateur, réalisé par sa fille et son compagnon de l'époque. En tant que mère, j'étais catastrophée. En tant que manager, j'étais ravie, expliquera-t-elle plus tard. Anne Boulet, ancienne rédactrice en chef du magazine Vanity Fair, résume l'ambiance dans un documentaire produit par Bangoumi et diffusé sur TMC en 2018. Je pense que la mère a une stratégie marketing implacable derrière, qui s'apparente un peu à une logique de mère maquerelle par ailleurs. Dans le cerveau le plus malade, du plus malade des scénaristes, on n'aurait pas pu inventer un destin de famille comme ça à base de rien par ailleurs. Encore une fois, c'est pas des gens qui envoient des fusées, qui opèrent des cerveaux, etc. C'est minuscule, mais le storytelling du truc est incroyable. À Paris, d'autres tentent de récupérer à leur profit le braquage de Kim Kardashian. En campagne pour la primaire de la droite et du centre, avant la présidentielle de 2017, Nathalie Kosciusko-Morizet attaque Anne Hidalgo le matin du vol. La maire socialiste de Paris ne serait pas assez impliquée dans la sécurité de la capitale, accuse-t-elle, craignant aussi la mauvaise publicité que le braquage risque de faire à la ville. Alors, vice-président du Front National, Florian Philippot, lui, réagit sur Twitter. Il écrit « Le tourisme va encore payer cette insécurité chronique en France ». Que la faute incombe ou pas à la mairie de Paris, il est vrai que l'industrie du tourisme est en crise en ce mois d'octobre 2016. Après les attentats de janvier-novembre 2015, le chiffre d'affaires des hôtels parisiens a chuté de 20% et l'activité des restaurants de 30%. Alors la maire de Paris, Anne Hidalgo, tente de calmer les esprits. Dans un communiqué, elle rappelle que ce type d'acte, très rare, en aucun cas ne remet en cause la sécurité de l'espace public parisien. Elle assure également à Kim Kardashian qu'elle sera toujours la bienvenue à Paris. Mais pour le moment, l'intéressé ne souhaite pas remettre les pieds dans la capitale française. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew there would be someone right away. says we moonshine and Malay. Feel the warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sunrise. I saw the life inside of you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're beautiful. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Le 36 quai des Orfèvres le comprend tout de suite. Il faut trouver au plus vite qui a volé les bijoux de Kim Kardashian. Car cette affaire pourrait ternir l'image de la France dans le monde. La star américaine, qu'on pourrait suspecter d'arnaque à l'assurance, est rapidement mise hors de cause par la police française. Et parce que Kim Kardashian n'est pas une petite mamie à qui l'on aurait dérobé des bijoux de famille, l'enquête, très vite lancée, ne manque pas de moyens. D'abord, il s'agit d'examiner toutes les caméras de surveillance aux alentours de l'hôtel de Portales. Et les images sont très parlantes. Aux alentours de 3h10 du matin, deux hommes quittent le quartier à vélo, suivis quelques minutes plus tard par un troisième compère. Oui, des vélos, inattendus, discrets, sans doute une bonne idée, mais elle va mal tourner. Dans un documentaire de Yannick Adam de Villiers, le journaliste Olivier Bois raconte... La fuite à vélo, elle est assez quand même incroyable parce qu'elle est là encore complètement filmée par les caméras de vidéosurveillance du quartier. Ils sont en plus à visage découvert pour l'essentiel. Donc on voit deux vélos partir assez vite pour le coup. Et un troisième qui lui a pris un Vélib avec le pneu avant crevé. Quand en plus un gabarit assez costaud. Donc lui on le voit vraiment arriver passer très lentement et en plus il porte les bijoux. Petit sac à bijoux, c'est lui qui a le butin sur le guidon du Vélib, crevé à l'avant. Déséquilibré par son sac, l'homme finit par tomber de son Vélib. Il ramasse alors le butin éparpillé sur la chaussée sans parvenir à mettre la main sur une petite croix en diamant à 29 000 euros, s'il vous plaît, qui sera retrouvée le lendemain par une passante. Puis le malheureux braqueur pousse tant bien que mal son vélo défectueux jusqu'à la gare Saint-Lazare, avant de prendre un taxi pour celle du Nord, où il récupère sa voiture avant de quitter Paris pour sa périphérie. Si les enquêteurs parviennent à établir son trajet avec tant de précision, c'est grâce aux vidéos de surveillance, on l'a dit, mais aussi grâce au smartphone de Kim Kardashian qui émet un signal localisable, on dit borneur, tout au long du chemin. Le fameux smartphone sur lequel repose la fortune de la star des réseaux sociaux n'arrête pas de sonner, évidemment. Et le braqueur finit par s'en débarrasser vers le Rincy. Quelques kilomètres avant, à Paris, ses complices filmés par des caméras de surveillance sont montés dans une 508 noire dont la plaque est visible. Bien, un téléphone qui trahit son voleur, une plaque d'immatriculation à découvert, de grosses erreurs, des erreurs d'amateurs. Et ce ne sont pas les premières ni les dernières. 4 jours après le braquage, c'est la science qui va apporter de nouveaux indices. L'un des ADN retrouvés dans la chambre de Kim Kardashian figure au fichier national des empreintes génétiques et au fichier des personnes recherchées. L'homme de 60 ans, en cavale, a déjà été condamné plusieurs fois pour vol aggravé et trafic de stupéfiants. Son nom, Omarit Kedash, alias Omar le Vieux. La police pense qu'il s'agit du cerveau de l'affaire. Sûrement pas le braqueur Ovélib crevé. Le vieux est un ancien, plutôt chevronné, qui a pourtant commis une erreur majeure en laissant traîner son ADN. Jean-Yves Liénard, l'avocat des parrains et des voyous, comme on l'appelle, le défend depuis plus de 20 ans. Je me demande même s'il n'y a pas un caractère un peu suicidaire, voyez-vous, dans cette délinquance. Parce que quand on laisse son ADN un peu partout, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, même les délinquants les plus obtus savent que l'ADN, c'est mortel. Mettre des gants, madame, non, croyez pas. On met des gants pour ne pas laisser de traces partout. Enfin, tout le monde fait ça. Placé sous surveillance, mise sur écoute, Omarit Kedash va mener les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme jusqu'aux autres braqueurs et à leurs complices présumés. Lors des filatures, le vieux agit en habitué et multiplie les coups de sécurité, comme on dit, au cas où il serait suivi. Mais les enquêteurs parviennent à repérer son adresse, à Charenton-le-Pont, au sud-est de Paris. Charenton, c'est justement le point d'arrivée, le 3 octobre, au petit matin, de 5 téléphones portables identifiés par la brigade de répression du banditisme. 5 lignes ouvertes la veille du braquage. Repérées parmi les 5591 appels passés dans la zone du vol entre minuit et 4 heures du matin, la nuit du 2 au 3 octobre 2016. 5 numéros qui ont communiqué exclusivement entre eux avant de se taire à jamais. Ou presque, car l'une de ces lignes va rester active 2 semaines après le braquage et bornée dans une station-service de l'autoroute A en direction du nord. Si les images des caméras de surveillance de la station, on voit le vieux et un autre homme connu de la BRB, surnommé Nérapé, pour la police c'est plus que probable, les deux hommes se rendaient à Anvers, la capitale des diamantaires. Placé sur écoute, Omar le Vieux avoue être allé en Belgique, oui, plusieurs fois, avec Nérapé. Alors, quand le 5 décembre 2016, il donne rendez-vous à des contacts pour offrir le cadeau des enfants, les enquêteurs en sont sûrs, les bijoux ont été vendus à Anvers. Après plusieurs semaines de filature et d'écoute, la fin est proche. De l'autre côté de l'Atlantique, Kim Kardashian, elle, se réveille. Après exactement 3 mois de silence médiatique, le 3 janvier 2017, elle publie son premier post Instagram depuis le braquage. La photo de son mari et ses enfants, façon argentique, comme pour donner à sa vie en ligne une authenticité, une sobriété nouvelle et faire oublier les frasques du passé. Pendant quelques semaines, le compte de la star ressemblerait presque à n'importe quel compte Instagram, si ce n'était la présence d'Obama et de milliers de commentaires de soutien. Sur les plateaux télé américains, où elle fait son grand retour avant la diffusion prochaine de la saison 13 de l'incroyable famille Kardashian, son émission de télé-réalité, elle prend une nouvelle posture, oui, moins superficielle, plus sincère, peut-être plus humaine. À l'animatrice télé Ellen DeGeneres, elle affirme en pleurs être devenue une meilleure personne. Like I'm such a different person. Je suis tellement différente. And like I'm. Je. Just don't want to start crying anymore, but Je veux plus me mettre à pleurer, mais. Yeah, I can. You can cry. Tu peux pleurer. It was meant to happen to me. Like c'est le destin. I really feel like things happen in your life. Je crois vraiment que dans la vie, les choses arrivent pour servir de leçon. I'm just. I was. You know. C'était pas un secret. On le voit dans notre émission. J'étais très matérialiste avant. C'est pas mal de posséder des choses et de travailler dur pour ça. Et j'en suis très fière. Bien sûr que quand on se fiance, on a envie de montrer sa bague. Mais pour moi, ça n'a plus d'intérêt. Je m'en fiche de m'exhiber. Ce n'est plus moi. Retour en France pour l'enquête. Omarit Kedash, le fameux désormais Omar le Vieux, dont l'ADN a été retrouvé dans la chambre d'hôtel de Kardashian, a bel et bien mis les policiers de la PJ sur la trace de ses complices présumés. « le 9 janvier 2017 à 6h du matin, à Vincennes, Créteil, Le Raincy, en région parisienne, à Paris, dans les 3e, 17e et 19e arrondissements, mais aussi à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, et à Anvers, en Belgique, 17 personnes sont perquisitionnées et interpellées simultanément. Autrement dit, les 5 braqueurs présumés et une dizaine de complices potentiels. Beaucoup de beaux mecs à l'ancienne, selon un enquêteur. Le plus âgé a 72 ans. Et ce n'est pas tout. Dans les frigos, sous les t-shirts et les matelas, la police saisit des armes, ainsi que 300 000 euros d'argent liquide, des téléphones et des ordinateurs à foison, des faux papiers, mais pas de bijoux. Rapidement, la nouvelle fait le tour des médias. Plusieurs individus menottés sont escortés par des policiers. Soupçonnés d'avoir pris part au braquage, ils sont conduits dans les locaux de la brigade de répression du banditisme. Les enquêteurs décrivent des malfaiteurs chevronnés. Pour la plupart, ils sont connus pour des faits de vol à main armée. Le vaste coup de filet a été mené tôt ce matin. Braqueurs, receleurs, intermédiaires. Les policiers pensent avoir démantelé un vaste réseau. Ils vont désormais s'attacher à déterminer la responsabilité des uns et des autres. Placés en garde à vue, les personnes mises en cause peuvent être auditionnées jusqu'à 96 heures. Pendant 4 jours, les enquêteurs interrogent les braqueurs présumés. D'abord, Omar El Kedach. Interpellé dans une planque à Vincennes avec sa compagne, il vit sous un nom d'emprunt, Pascal Larbi. Omar le Vieux commence par nier, puis il finit par reconnaître les faits. Alors il parle d'un braquage tentant car facile, tout est sur internet, les bijoux de la star, ses déplacements, dont il n'imaginait pas les retombées médiatiques. Il explique aussi, sans jamais mettre de complice en cause, que l'or était fondu, car les bijoux étaient trop reconnaissables. Quant au diamant, invendable, et qui sait où il est? Un deuxième braqueur va reconnaître les faits. Younis Abbas, 64 ans. Hospitalisé à l'Hôtel Dieu pour des problèmes cardiaques après son interpellation, il explique d'abord s'être rangé les bracos après 20 ans de prison. Pour protéger son fils, chez qui il a caché de l'argent, Younis Abbas finit par raconter. Il a été contacté 15 jours avant le braquage par un ami pour qui il a accepté de faire le guet devant un hôtel parisien dont il ne savait rien. Il raconte aussi les problèmes d'argent, son infarctus, les petits boulots. Mais de l'ami et de ses complices, il ne dit rien. Question d'honneur. Un troisième homme reconnaît également le vol et confirme le côté papy braqueur de l'affaire. C'est Pierre Bouyaner, dit Pierrot, dit aussi le gros. 72 ans en compteur, il vit dans le sud, il a déjà été condamné pour trafic de cocaïne. Voilà, 3 aveux, 3 braqueurs, pas mal, mais les 14 autres suspects nient ou refusent tout bonnement de parler. C'est notamment le cas des 2 autres braqueurs présumés. François Delaporte, dit le grand, un petit jeune, 54 ans, connu pour abus de confiance, contrefaçon de billets de banque et trafic de stupéfiants, et Didier Dubroc, dit yeux bleus, 61 ans, dont 23 en cellule. Mais en 2017, au 36 quai des Orfèvres, l'aveu n'est plus roi et la police pense détenir assez de preuves. Le 13 janvier 2017, à l'issue de leur garde à vue, 7 personnes sont relâchées, tandis que 10 autres sont mises en examen, dont 9 placées en détention provisoire. Ceux que les enquêteurs estiment être les 5 braqueurs, plus le receleur présumé, Marceau Baumgartner, alias Nérapé, et 4 autres personnes, complices présumées, elles aussi. Omar K, alias Omar le Vieux, cerveau présumé du gang que l'on surnomme les papy braqueurs. Ses complices, Didier D, 61 ans, alias Beauzieux, Marceau B, alias Nérapé, Pierre B, 72 ans, le doyen, qui officiellement coulait une retraite paisible dans cette villa de la Côte d'Azur. Des papy flingueurs qui, passés 60 ans, ont repris du service et que cet ancien commissaire connaissait bien. Il n'y a pas de case retraite, en fait, si vous voulez. On n'a pas acquis des points derrière les barreaux des prisons. Donc c'est sûr que très peu, on met de l'argent de côté. Quelques-uns, moi j'en connais un ou deux qui vivent très bien avec l'argent qu'ils ont dû prendre, je suppose, à un moment de leur vie. Mais sinon, on est un peu dans l'improvisation. Moins de 3 mois pour trouver les coupables, c'est ce qu'on appelle une enquête rondement menée. Kim Kardashian elle-même est épatée, très fière du système judiciaire français, annonce son avocat au lendemain de la mise en examen des 10 suspects. Une affaire trop rondement menée, même, estiment certains, comme si la police avait cédé à la pression de la surmédiatisation. En novembre dernier, plus de 2 ans après les faits, l'enquête est toujours ouverte.

zone. The stars is in the building, they hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le vol des bijoux de la Kardashian, nos invités. Ils sont deux. Julien Dumont, bonjour. Bonjour. Grégory Mardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement l'auteur et le dessinateur de la BD intitulée Les bijoux de la Kardashian, c'est pour ça que j'ai dit comme ça, publiée chez Glénat. Cette année, d'abord, pourquoi en avoir fait une BD? J'ai l'impression que la réponse est un peu dans ma question, puisque je viens de raconter une histoire. Donc quand on fait une BD, on raconte une histoire, bah, parce que l'histoire est bien. Ok, mais qu'est-ce qui vous a plu au-delà de ça, Julien Dumont? Bah parce qu'il y a une histoire, effectivement, vous l'avez brillamment résumé, qu'elle est éminemment graphique. Kim Kardashian se met en scène, les papy braqueurs ont des tronches, ont des gueules à l'ancienne. Au milieu de ça, le 36 Quai des Orfèvres et le Paris avec ses beautés et son état d'urgence de cette époque-là. Ça, c'est pour l'aspect graphique. Mmh. Et puis sur le fond, pour tout ce que vous venez de résumer, c'est-à-dire pour ce choc des mondes, il n'était pas question de faire un portrait de Kim Kardashian, mais de raconter cette star du 21e siècle, cette star du vide, pourrait-on dire, qui va se heurter dans une explosion absolue à ces papis braqueurs, eux plutôt sortis du 20e siècle, et en sorte de juge de paix, de juge arbitre, ces policiers du 36 qui eux ont un pied dans chacune de ces deux époques, avec des méthodes à la fois à l'ancienne et des méthodes ultra modernes. Il y a un détail qui résume tout, c'est leur premier acte d'enquête quasiment, c'est l'audition de Kim Kardashian dans le No Address Hotel. Elle est faite à la main, manuscrite, parce que l'ordinateur de permanence ne fonctionne pas cette nuit-là, et elle est faite sur un papier à en-tête de la préfecture de police qui est encore écrit de l'an 1900, donc ils sont obligés de raturer cette année 1900 pour mettre 2016. Et à côté de ça, ils utiliseront des techniques en téléphonie extrêmement pointues qui va leur permettre effectivement de faire un tri parmi des milliers de conversations et de tomber sur les portables des braqueurs. Il va y avoir l'ADN et donc on va avoir ces policiers pris entre ces deux mondes qui vont raconter un petit peu ce qu'est notre époque d'aujourd'hui. Grégory Mardon, en tant que dessinateur, j'ai l'impression que les papiers braqueurs vous ont vraiment inspiré. Ah oui, c'est sûr, que c'est les personnages les plus truculents quand même de l'histoire. D'autant qu'on avait décidé de pas vraiment raconter Kim Kardashian qu'on ne connaît pas et on s'est servi juste de ce qu'elle divulguait sur son portable, enfin tous ses messages sur le web. Donc c'est une sorte de coquille vide, mais donc du coup on s'est vachement concentré sur les braqueurs et on a aussi inventé les policiers qui on n'a pas repris les personnages réels pour le coup là. Donc voilà, c'était vraiment les personnages les plus romanesques et oui, je me suis peut-être un peu plus investi. Ça se voit. Non, mais enfin, il y a un équilibre, je vous rassure. Mais on voit qu'il y a eu une appétence là de dessiner ces bonhommes. Ce sont eux les moteurs du récit, oui, quand même. Mais oui. Vous êtes. Est-ce que c'est nouveau pour vous de travailler sur une affaire judiciaire, vous le dessinateur? Et puis je vous pose la même question, Julien. Affaire judiciaire, oui, moi c'était une nouveauté. Par contre, j'ai quand même fait quelques bandes dessinées, un peu reportage. Enfin, même si on là pour les bijoux de la Kardashian, on a justement choisi de faire un mode narratif plutôt fictif, même si on se sert d'éléments réels. Mais j'avais travaillé pour la revue dessinée où j'avais fait une enquête sur les Balkany. Et là, je viens de sortir une bande dessinée aussi sur le mal-être au travail qui s'appelle Le travail m'a tué et qui est aussi tiré de faits réels, d'un fait divers où un ingénieur s'est suicidé sur son lieu de travail dans une grande entreprise automobile. Julien Dumont. Mais moi, c'est l'inverse, c'est la BD qui est nouveau. Le travail d'investigation, c'est ce que je fais depuis 15 ans. Donc, on a fait de l'investigation avec François Vignol, qui est le co-scénariste, journaliste également, et c'est lui qui a eu l'idée initiale de cette bande dessinée. Il y a de l'investigation parce que s'il y a une part de fiction, malgré tout ce qui est raconté dans la bande dessinée est vrai, et vous avez résumé très complètement l'affaire, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la fiction tout ce qui s'est passé. À qui le dites-vous ? Tout ce qui s'est passé, voilà, ça s'imposait. La réalité est mieux que la fiction, autant imprimer la réalité, c'est bien connu. Exactement. En tout cas, elle nourrit, et parmi d'autres rendez-vous, affaires sensibles, la réalité, le réel. Et le réel se raconte tous les jours, et il est toujours, tous les jours passionnant, enfin j'espère. Donc il a fallu voir des sources, avoir accès à des documents, et essayer de décortiquer cette affaire de A à Z de façon assez chirurgicale pour après, avec Grégory, la mettre en musique et la mettre en dessin pour la trouver un mode narratif, mais il y a eu de l'enquête et tout ce qui est dit dedans est vrai, vous l'avez rappelé. On a un braqueur qui a fait 20 ans de prison, qui a des problèmes de cœur, qui va faire ce coup de ce qu'il raconte pour payer ses factures. Des braqueurs qui, pour les deux seuls qui vont avouer les faits, c'est aussi ce côté braqueur à l'ancienne, vont expliquer qu'ils ne donnent pas de nom et vont accepter de raconter leur responsabilité pour sortir de garde à vue des proches à eux. C'est-à-dire, je parle pour sortir qui mon fils, qui m'accompagne des griffes des policiers. Grégory, vous avez voulu les dessiner exactement très portrait ou vous avez laissé libre cours à votre liberté? Je me suis inspiré quand même un peu de leur morphologie, mais j'ai pas un dessin très réaliste, donc c'était une interprétation quand même. Mais voilà, il fallait... Mais enfin, c'est quand même, quand on voit les photos, ils sont quand même assez proches, il faut quand même l'admettre. Bon alors, maintenant, à quoi ressemble le ou la fan de Kim Kardashian? Alors, notre reporter, Annaëlle Verzo, que je vous présente. Bonjour. Bonjour. Bonjour Annaëlle Verzo. Vous avez interrogé des jeunes qui suivent de près la saga Kardashian. D'abord, c'était difficile d'en trouver? Non, ça n'a pas été trop difficile, mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui m'ont dit aimer Kim Kardashian, suffisamment en tout cas pour la suivre tous les jours sur Instagram, mais qui n'avaient pas très envie d'en parler publiquement. Pourquoi ils avaient honte? Peut-être un peu honte, ouais. Bon, enfin, ils l'ont fait avec plaisir. Bah, finalement, j'en ai trouvé qu'ils l'ont fait avec plaisir. C'est un groupe de jeunes de 15 ans que j'ai rencontré au Halle à Paris. Et vous allez l'entendre, ils sont surtout très admiratifs des petites sœurs de Kimka. Je donne pas mon prénom. Et moi, je donne Anaï, Léa, Sarah, Lucia, Noam, Cheyenne. Bon alors, est-ce qu'il y a des fans parmi vous de Kim Kardashian? Oui. Ouais, les fans, madame, moi ça va. Je préfère les Jenner. Mais c'est la même famille. Elles font leur marque et tout. La meuf est devenue millionnaire comme ça, d'un coup. Qu'est-ce qui te plaît chez les Kardashian? Ah, c'est la mode, comment elles s'habillent ou des trucs comme ça. Des fois, elles font des styles bien, des trucs bien cool. Ça t'influence? Pas pour elles, pas trop. Parce qu'elles ont un style très osé. Donc nous, on va pas venir habiller comme elles sont habillées. Parce qu'après, il y aura plein de trucs qui vont se passer. Donc des fois, on peut s'inspirer des petits accessoires, des trucs comme ça qu'elles font. Mais pas totalement comment elles s'habillent. On vit dans une société, c'est pas ce qu'il faut faire. Et là, t'es habillée un peu cool. Enfin, ouais, streetwear, cool. Mais après, peut-être qu'elle veut défendre une cause. En disant que les femmes, elles aussi, peuvent se montrer comme les garçons. Ils peuvent se mettre torse nu dehors. Et les femmes, directement, dès qu'elles mettent... en maillot de bain avec des formes, direct ça passe pour une fille pas bien quoi. Voilà, comme une pute, voilà exactement. Kim Kardashian, elle a 137 millions d'abonnés sur Insta. Non, 137 millions. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. 137 millions. Mais ça dépasse pas Ronaldo. Ronaldo, il en a 500. En tout cas, Ronaldo, c'est la personne qui a le plus de followers sur Instagram. N'importe quoi. On va regarder. C'est les garçons qui parlent là. 170 millions. Ah, excusez-moi. Ah, 170 millions, c'est plus que... Kimka, tu l'appelles? Ouais, Kimka. Kimka. Mais alors, est-ce que vous saviez que quand elle poste une photo sur Instagram, Kim Kardashian, elle touche de l'argent? Rémunération, tout ça. Quand elle fait des placements de produits en plus, et tout ça. Les habits, le peu de habits qu'elle porte, c'est... un sponsor. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre? Comment réussir comme ça en peu de temps? T'arrives, t'es millionnaire, tu mets ta marque, c'est bon, tout le monde achète. C'est un truc de malade. C'est quelque chose qui fascine? Ouais, un peu en vrai. Puisqu'elle est là, elle arrive, elle a 21 ans et elle est milliardaire. Mais millionnaire, je sais pas, je sais plus. Là, tu parles de Kylie Jenner. Ouais. La petite sœur de Kim Kardashian. Ouais. Après, elle a lancé sa marque de cosmétiques. Vous achetez les produits ou pas? C'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Non. C'est 30 euros le truc. Non. Ah, c'est 30 euros quoi, le rouge à lèvres? Ouais, même plus, le je rouge crois. À lèvres. Et qu'est-ce qui t'intéresse d'autre, Anaï? Pourquoi, d'après toi, tu regardes à ce point-là? Bah, en vrai, ouais, t'es pas la seule. Hein, c'est l'influence qu'elles nous mettent en nous, genre, je sais pas. C'est, elles sont là, elles sont sur les réseaux, on regarde et. Et physiquement, vous la trouvez jolie, Kim Kardashian? Plastique, c'est du plastique. Ouais, il y a plus de plastique sur elle que dans la mer. Elle est belle. Attends, il y a plus de plastique sur elle que dans la mer. Elle est belle. Elle est belle, mais la mer. Attends, tu regardes quand elle avait 16 ans, elle était dégueulasse. Elle est dégueulasse, belle. La Kylie Jenner. Ouais, Kylie est belle. Moi, je préfère Kendall, parce que c'est celle qui est le moins retouchée. C'est laquelle, Kendall? Plastique. C'est la grande sœur de Kylie. En plus, le pire, c'est que Kylie, elle a un enfant, tranquille. C'est pas grave. Et tu passes du temps, toi, Anaïs, sur Insta? Un peu. Deux heures et demie. Moi, je pense que c'est 5, même 5, 6 heures. 5, 6 heures, tu passes sur Instagram? Ouais. Ah ouais? Anaïs, t'aimerais bien, toi, avoir la fortune de Kim Kardashian? Non, c'est pas poster une photo de toi sur Instagram et puis récolter 500 000 euros. Comme ça, non. Je préfère réussir de moi-même, avoir ma propre entreprise ou défaire des trucs bien et avoir sa fortune comme ça par moi-même que de faire des placements de produits tous les jours, me poster sur Internet et faire des choses comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous la regardez, donc il y a quelque chose de fascinant, mais en même temps, vous n'êtes pas en accord total. Ça, ouais. On regarde, mais on n'est pas si fasciné que ça. Non, juré Wallah. Bien entendu, Julien Dumont et Grégory Mardon, ce qu'ont dit ces jeunes fans. Il y en a une ou un qui a dit il y a plus de plastique sur elle que dans la mer, qui a retenu qu'il y a plus de plastique dans la mer que de poissons en ce moment, si on continue comme ça. Hein, on a fait une émission, ça n'a rien à voir. Je reviens à un autre sujet. L'un ou l'une dit « elles sont là ». Elle est là, enfin les gens comme ça, très connus, ils sont très connus parce qu'ils sont là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous l'avez rappelé, hein, elle a pas de talent particulier, autre que celui de se mettre en scène. C'est un peu les réseaux sociaux du vide, c'est l'image. Après, nous, dans la bande dessinée, il était hors de question d'être agressif avec elle parce que c'est une vraie victime dans cette histoire. Oui. Elle a vraiment eu peur, elle a vraiment été braquée. Donc, il n'était pas question de la moquer plus que ça. On peut bien évidemment penser... qu'elle l'a cherché, qu'elle le mérite, c'est autre chose, mais qu'elle l'a cherché, c'est Karl Lagerfeld lui-même qui disait « on s'exhibe pas avec ses bijoux sur les réseaux sociaux, donc quelque part, elle le mérite ». Voilà, mais c'est le vide, c'est une partie du 21e siècle et de son vide. Grégory Mardon, quel était votre état d'esprit quand vous avez dessiné par rapport à ce que vient de nous dire Julien? Bon, ben moi, je connaissais quand même un peu Kim Kardashian, mais sans plus. C'est vrai que du coup, en ayant dû la dessiner, je me suis beaucoup documenté sur Internet et j'ai vu à peu près l'ampleur de cette personne qui se mettait en scène en permanence. C'est un reflet de notre époque, elle incarne un reflet de notre époque, puisque c'est d'ailleurs ce qu'on voulait raconter dans cette histoire, c'est que c'était un fait divers qui en disait beaucoup sur les réseaux sociaux, sur cette façon d'être tout le temps dans la communication, et Kim Kardashian, elle est assez emblématique là-dessus. D'ailleurs, même à force de regarder des photos et tout ça, je recevais des publicités sur leurs produits, oui, ou des articles de journaux qui la concernaient. Il y a une chose qui illustre ce choc des mondes, hein, encore une fois, c'est le patron de la PJ parisienne qui est réveillé en pleine nuit, évidemment, quand ça se passe, parce qu'on sent que ça va être sensible, tous les médias sont déjà là, à l'international on en parle, et le patron du 36, quand on lui dit Kim Kardashian a été braqué, il dit Kim qui, et il est obligé, il nous l'a raconté, d'aller sur son ordinateur, de googliser Kim Kardashian pour voir de qui il s'agit, et quand il voit effectivement le nombre d'abonnés et le portrait du personnage, il se dit là on va avoir du pain sur la planche et peut-être quelques soucis sensibles. Comme les affaires. Grégory Mardon, quand je regarde la couverture, très, très belle, votre dessin, donc on y voit les quais de la Seine, derrière la tour Eiffel, et Kim Kardashian, dans des proportions énormes, hein, beaucoup ouais. plus que, elle est assise sur des immeubles, qu'est-ce que vous allez vous nous dire, comme si elle était assise sur Paris, ouais. sur sa fortune, sur je sais pas quoi. Même si c'est pas le personnage principal de l'histoire, c'est le personnage central de l'histoire, et Paris devait être très présent aussi, parce que c'est aussi un des personnages de cette bande dessinée. Et en fait, on voit les braqueurs qui viennent vers nous sur le plan, qui viennent de faire leur braquage. Et donc, du coup, on termine un peu sur les protagonistes réels de cette histoire. Donc voilà à peu près ce que je voulais raconter sur cette couverture. Est-ce que vous avez des personnages préférés? Alors, on va faire un petit, on va commencer dans la bande dessinée. Ouais, dans cette bande dessinée là, c'est un petit préféré. Bon, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les braqueurs, ouais, c'est parmi pour eux. Les dessiner. Bon, Kim Kardashian a dessiné, ça va 10 minutes parce que en fait, elle est toujours dans la même pose. Et je trouvais qu'elle était très mal habillée à la Fashion Week de 2016, donc c'était pas très très excitant à dessiner. Mais vous voyez, les braqueurs sont un peu plus dans le mouvement, même si c'est des papilles. Et puis la police quand même. C'est vrai que moi je suis allé visiter le 36 avant qu'il déménage. Et c'était assez intéressant. Et puis de voir dans les lieux dans lesquels il travaillait pour pouvoir les dessiner, c'est quand même mieux. Si je les avais dessinés dans un open space, j'aurais été complètement à côté, parce que c'est des petits bureaux avec beaucoup de bordel. Donc voilà, tous ces endroits-là, les flics, même si on les a inventés, ben bon, j'ai rencontré les personnages qui les policiers qui ont mené l'enquête, et je me suis un petit peu inspiré aussi quand même d'eux. Julien Dumont, Moi, ce serait pas Kim Kardashian, parce que même si on veut pas être agressif contre elle, ça serait pas elle. Ça serait pas forcément les braqueurs non plus, parce qu'il faut pas non plus avoir trop de sympathie pour eux. Ils ont commis un acte ultra violent qu'ils assument. Et ça sera Paris, le personnage principal de cette bande dessinée, parce que Paris a des côtés magnifiques qu'on voit dans la bande dessinée et a la magie de réunir tous ces mondes-là. Le 21e siècle, le 20e siècle, des braqueurs, des stars, des flics au milieu, etc. Donc moi, ce serait Paris. Bon, alors est-ce que vous avez envie ou des projets de refaire une bande dessinée, éventuellement tous les deux, sur une autre affaire? Quelle affaire vous inspirerait comme ça? Alors l'envie, oui, mais pas sur n'importe quoi. Voilà, celle-là, on l'a faite parce que vraiment, on estimait que c'était graphique et qu'il y avait quelque chose à raconter au-delà du fait divers, au-delà de l'événementiel médiatique du début. Il y avait vraiment un propos à porter. Donc oui, mais il faut qu'on trouve l'histoire. Très rapidement, voilà. Grégory, vous, oui? Oui, moi je suis partant. Bon, peut-être à bientôt. Bah oui, au revoir, plaisir. Avec plaisir. Au revoir, merci. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le vol des bijoux de la Kardashian, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à l'émission, cette émission-là évidemment. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.